Le père François oh, oh, qui a un peu froid oh, oh, quand il ne travaille pas. Oh, oh. Ouais, monsieur, j'arrive. C'est le père François oh, oh, qui va dans les bois oh, oh, pour faire caca. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh non, dans les bois pour faire caca. Eh oui, eh oui. Mais comment qu'il fait pour s'essuyer? Non, quand même, il ne fait pas ça avec les doigts. Ah ah oh oh oh oh ah ah ah ah ah caca pas ça avec les doigts. Oh non, pas comme ça. Il prend des feuilles de grands châtaigniers. S'en aller. C'est le père François ah, ah, qui a un peu froid ah, ah, quand il ne travaille pas ah, ah. C'est le père François ah, ah, qui ne s'emballe pas ah, ah, couché sous ses draps ah, ah, au petit matin ah, ah, il donne du grain ah, ah, et remet du foin ah, ah. Son tracteur, non pas la sens, disparaît des et quand il revient, il lui faut du pain, pas besoin de vin, il lui faut manger pour être rassasié. Le père François il a un peu froid quand il ne travaille pas. C'est le père François qui a un peu froid quand il ne travaille pas. J'ai vraiment été agréablement surpris.